Le congrès des pianistes n'aura pas lieu cette année. Il a été annulé pour raison de santé, officiellement. Je ne viendrai pas à Paris, moi, petit pianiste de province, qui ne joue même pas pour le prince. Ben, j'ai vraiment pas de chance, pour une fois qu'on m'a nommé, pour représenter ma contrée et exprimer nos doléances. J'aurais fait connaissance des pianistes des boîtes de nuit, des pianistes de jazz, des seigneurs du classique, des rois du romantisme, des deux ou trois derniers contemporains, du seul pianiste anarchiste. On est trop spécialisé, on n'arrive pas souvent à se rencontrer. Je ne viendrai pas à Paris, moi, petit pianiste de province, qui ne joue même pas pour le prince. Ben, j'ai vraiment pas de chance, pour une fois qu'on m'a nommé, pour représenter ma contrée et exprimer nos doléances. J'aurais pris la parole pour expliquer notre ras-le-bol. Suppression de la gamme de dos, nouvelle classification des bémols, arrêt des cadences infernales, signalisation des pièges à dièse, alto technocrate du piano, pause toutes les 60 mesures, rembourrage des tabourets. Je ne viendrai pas à Paris, moi, petit pianiste de province, pas pour le prince. Ben, j'ai vraiment pas de chance, pour une fois qu'on m'a nommé, pour représenter ma contrée et exprimer nos doléances. Messieurs les organistes des églises, c'est pas parce que vous avez pour jouer une douzaine de claviers et 80 pédales sous les pieds qu'il faut crâner. On joue peut-être pas des tédium, mais si vous aimez la musique grandiose et que vous cherchez l'apothéose, eh ben grimpez donc haut de vos clochers. Je ne viendrai pas à Paris, moi, petit pianiste de province, qui ne joue même pas pour le prince. Ben, j'ai vraiment pas de chance, pour une fois qu'on m'a nommé, pour représenter ma contrée et exprimer nos doléances. On se serait séparés sur un joli communiqué adopté à l'unanimité, et puis il y aurait une fête, un grand bal costumé. Je me serais déguisé en Chopin, je m'en serais retourné dans ma province. Pour une fois on m'aurait écouté comme un prince. Je vous aurais ramené des cadeaux, des souvenirs, des maquettes de piano. Si le congrès des pianistes n'a pas lieu cette année, ce n'est pas pour raison de santé, officiellement, mais bien parce qu'officieusement, ils avaient bien peur que la majorité devienne minorité et qu'une soi-disant petite bande de pianistes exaltés vienne bousculer, révolutionner leur musique sacrée. Messieurs les princes du piano, accrochez-vous à vos claviers, de nouvelles mains vont bientôt s'y installer et joueront une sacrée musique, une nouvelle race de pianistes.